reste le métier de précepteur ou de secrétaire. Des amis m'ont déniché un emploi de secrétaire chez un Autrichien riche. Mais Jacques le cible dès le premier jour, parce que l'Autrichien le prend pour son larbin. Précepteur, je voudrais bien. Mais on m'a toujours éconduit. Il faut appartenir à l'Empire. Je ne puis pas, je ne dois pas. Je ne veux pas être protégé par les gens de l'Empire. Plutôt l'hôpital. Quelquefois, le soir, je me livre à la savate, forme de boxe française. J'arrive à être un tireur qui pratique la savate en chaussons. Ce qui me met en relation avec des saltimbanques. J'ai une société maintenant. Ce n'est pas à M. Vintra le lettré, c'est à M. Vintra le savatier. Un des tireurs possède un neveu qui a besoin d'être pistonné pour le grec. Nous ferons en même temps de la savate, me dit-il. Il ne me procure la leçon que pour boxer avec moi. Malheureusement, ce fanatique du chausson a voulu faire le brave un soir contre des voyous. Ils lui ont cassé les jambes. Je ne suis plus bon à rien. Le neveu n'a plus besoin de répétition. Trouverai-je encore un savatier amateur? Après avoir emprunté à des amis un paletot et un pantalon, Jacques peut se faire embaucher pour donner des répétitions de grec ou de latin. Mais le jour où il rencontre le recruteur, une épingle qui tenait le pantalon prêté lui rentre dans les fesses. Jacques reste stoïque, mais le fait paraître trop raide au recruteur.